إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue بإذن الله عز وجل وبعون الله سبحانه l'explication en langue française du livre intitulé A'lam sunnati al-mansura i'tiqad al-ta'ifa al-najiyah al-mansura du Cheikh Al-Allama Hafiz Ibn Ahmed Al-Hakami rahimahullah ta'ala. On s'arrêtait à la question numéro 212. Donc on a vu dans les questions précédentes l'ordre qu'il y a eu par rapport au califat en islam. Et on a vu que cet ordre-là correspondait aux sahaba qui ont été désignés du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant les meilleurs. Et le meilleur d'entre eux, bien entendu, Abu Bakr. Et on a vu les preuves concrètes par rapport à cela. Ensuite Omar, ensuite Othman, et ensuite Ali. Ces sahaba, ils ont été les meilleurs parmi les sahaba, et ceci bien entendu dans l'ordre qu'on a cité. Et donc ils ont été les plus en droit pour obtenir et pour qu'ils soient investis donc du calife. C'est pour ça que Abu Bakr, il était le premier calife en islam après la mort du prophète sallam. Ensuite est venu Omar, et ensuite est venu Othman, et ensuite est venu Ali. Et après Ali, bien entendu, il y a eu une divergence parmi les musulmans. Et on sait que durant 6 mois, et c'est donc ces 6 mois où le califat a été dans les mains Al-Hassan ibn Ali radiallahu ta'ala anhuma, donc durant une période de 6 mois, et cette période de 6 mois a complété donc les 30 années que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué dans le hadith authentique de Safina. Comme quoi, al-khilafat al-nubuwa, c'est-à-dire donc le califa qui est sur la voie prophétique, serait de 30 années. Et bien entendu, on sait qu'ensuite al-Hassan, radiallahu ta'ala anhu, il a délaissé tanazala, c'est-à-dire donc il a délaissé ce hukm pour Muawiya, afin donc qu'il évite une fitna, une guerre. C'est pour ça donc que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on l'avait vu dans le hadith précédent, c'est bien entendu ça fait partie de al-nubuwa, ça fait partie bien entendu de la prophétie, de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc nous a informé, que al-Hassan il allait tout simplement être la cause donc d'un accord entre deux grands groupes parmi les musulmans. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمة من المسلمين. Et ensuite il est venu Muawiya, qui était en réalité le premier roi en islam. Donc al-khilafa s'est ensuite transformé en mulk, et c'était donc le premier Muawiya, ça a donc été le premier roi en islam, et qui fut bien entendu le meilleur des rois radiallahu ta'ala anhu. Ensuite on avait vu donc les preuves de cela de façon générale, et le shir rahmatullah alayhi, il va ensuite donc nous donner les preuves bitafasil, c'est-à-dire elle va nous donner les preuves en détail de ce qui est le caractère légiféré du khilafa, c'est-à-dire donc du califat, de ces quatre hommes, de ces quatre grands hommes, les meilleurs de cette communauté, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous dit à la question numéro 212. نعم ما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إجمالا نعم. Donc il va d'abord nous poser la question, le cheikh, quelle est donc la preuve de la légitimité du califat d'Abu Bakr et de Omar de manière générale. طيب, donc on est encore ici de façon générale. Auparavant, la question qui a précédé, c'était de façon générale pour ce qui était des quatre califes, et maintenant ça va être un peu plus général pour ce qui est des deux califes. Pourquoi cela et pourquoi cette question? Parce que tout simplement, il va ensuite rapporter, le cheikh rahmatullah alayh, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va nous prouver donc qu'il y aura bel et bien le califat, non seulement de Abu Bakr dans ce hadith, mais également de Omar. Donc ici on voit bien que ici Jam ben al-Ithnain, c'est-à-dire qu'il y a ici un rassemblement des deux califes pour ce qui est donc de leur légitimité. Et ensuite le shir à la question qui va suivre, il nous posera donc la question uniquement pour Abu Bakr, et ensuite pour Omar, et ensuite pour Othman, et ensuite pour Ali. Et il nous rapportera donc les dalils, les preuves donc de la sunna pour ce qui est donc de leur califat. Donc il va nous apporter des preuves, le shirk. Et on sait que de toute manière, et ça c'est quelque chose qui rentre donc dans les preuves de façon générale, c'est que, et c'est ce qu'il y a de plus fort, comme nous l'avait cité le shirk, c'est que pour ces quatre califes, et dans l'ordre dont ils ont été cités, et dont ils ont été investis donc du pouvoir du califat, il y a ici ijma' al-sunnati wal-jama'a. C'est donc un consensus, c'est donc un avis qui est unanime parmi les gens de la sunna, et du consensus pour citer donc cette question, pour se mettre donc d'accord sur cette question qui donc concerne le califat de ces quatre grands hommes radiallahu ta'ala anhum. Le shir donc il va nous poser une question, il va y répondre donc en rapportant un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith qui se trouve en réalité fi sahihain, yaqul ala dhalika adillatun kathira, c'est-à-dire qu'il y a plus d'une seule preuve. Il y a plusieurs preuves en réalité qui prouvent cela. Et parmi celles qu'il va citer, minha ma fi sahih. Et en réalité, lorsqu'il dit fi sahih, il dit fi sahihain. Parce que c'est bel et bien un hadith qui est muttafaqun alayhi min hadith Abi Hurayrata radiallahu ta'ala anhu. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Fi fadli Abi Bakr, ba'd al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce chapitre. Et également l'imam muslim dans son authentique, dans le chapitre Fadail Omar. Ce hadith est le suivant. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il va nous raconter un songe qu'il a fait. Et ce songe là qui est bien entendu une partie de la prophétie. Il nous dit بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو. Pendant que je dormais, je me suis vu donc devant un puits. Donc, qalibin, c'est le puits. On le traduit donc par le puits. C'est al-bir, al-qalib. Ensuite, al-qalibin alayha dalwun. Dalwun, c'est en réalité un récipient. On peut traduire de façon générale par le récipient. Ou qu'on peut traduire ici également par un seau. Que l'on peut traduire donc par le seau. Dalwun. Et dalwun yudhakkar wa yu'annath, c'est-à-dire qu'on peut le dire au masculin, on peut le dire également au féminin, le terme donc dalwun. Fanaza'tu minha ma sha'a Allah. Ensuite, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fanaza'tu minha ma sha'a Allah, c'est-à-dire donc puis j'en ai prélevé autant qu'Allah a voulu. C'est-à-dire donc il a pris de ce seau et il a pris ce seau le prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc il l'a plongé dans le puits. Et donc il a pris donc de l'eau. فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ هَذَا وَالْمَقْصُودُ ici. C'est-à-dire النزع ici بِمَعْنَى الْاِسْتِسْقَى et qui va bien entendu avoir une signification. Cette signification qu'on va donner ensuite d'après l'explication que nous a donné l'imam al-Nawawi en son authentique. ثُمَّ أَخَذَ إِبْنُ أَبِي قُحَافَ. On sait que Ibn Abi Quhafa c'est tout simplement Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, qui est bien entendu Ibn Uthman, ou Uthman qui est Abu Quhafa. ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين. Ensuite donc, qui c'est qui a pris ce seau? C'est Abu Bakr رضي الله تعالى عنه. Après le prophète صلى الله عليه وسلم. فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين. والذنوب الذنوب c'est tout simplement الدلو المملوءة. C'est tout simplement donc le seau ou le récipient qui va être ici rempli, qui va être donc rempli d'eau. Et ici ذنوبان أو ذنوبين chacun من الراوي. Et comme vont nous le répéter certains des savants dans d'autres riwayah, il va avoir en fait ذنوبان كما ذكروا الإمام النووي يقول المراد ذنوبان كما صرح به في الرواية الأخرى في الرواية الأخرى. C'est-à-dire dans d'autres versions du hadith il est bien précisé que c'est donc deux sceaux. والذنوب comme on a dit الدلو الممنوع. Et il ne faut pas confondre الذنوب بالذنوب. الذنوب qui est bien entendu le pluriel de ذنب qui est le péché. Ici c'est الذنوب بالفتحة فتحة على الذل ذنوب ذنوبا. Et qui est donc comme on a dit الدلو qui en réalité ce récipient donc الدلو qui est ممنوع qui va donc ici rempli d'eau. وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه. وفي نزعه ضعف وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه. Donc dans son prélèvement, le prélèvement donc qu'il a fait Abu Bakr, il y avait une faiblesse et Allah lui pardonnera sa faiblesse. On va revenir donc sur ce que veut dire ce terme et comment l'ont expliqué les savants de la sunna ce terme faiblesse et cette parole et Allah lui pardonnera sa faiblesse والله يغفر له ضعفه. ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب. Ensuite, يعني بمعنى استحالت صارت وتحولت من الصغر إلى الكبار. C'est-à-dire qu'ensuite ce seau, il s'est transformé. Il est devenu, comme il est ici cité dans le hadith, غربا. والغرب c'est الدلو العظيمة. C'est tout simplement donc ce seau ou ce récipient qui va être ici immense, qui va être énorme, qui va être très grand. ثم استحالت غربا. Donc il s'est transformé, qui est devenu une grande outre, qui est devenu un grand seau. Et Ibn al-Khattab, donc, Omar Ibn al-Khattab l'a prise. Et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans ce hadith, comme il nous l'explique, فأخذ Ibn al-Khattab فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. Et ensuite donc, je n'ai jamais vu un homme aussi fort prélevant comme Omar. Donc Omar l'a pris. Et dans cela, il y avait donc une force. Il l'a pris donc avec force. Et le terme donc, l'abqari, qui veut dire également le terme, ce terme-là qui est employé par le prophète sallam, falam ara abqariyan, donc l'abqar, qui est en réalité une personne qui est forte. Une personne qui est très forte. Par rapport donc à sa force, par rapport également à son intelligence, etc. Donc c'est ça, ma'ana l'abqari. Et à la fin donc du hadith, hatta daraba an-nasu bi'atanin. Hatta daraba an-nasu bi'atanin. Yani bi ma'na al-atan ici, c'est en réalité le mawdi' alladhi tusaqu ilayhi ba'd as-saqi. C'est-à-dire donc lorsqu'on a comme des chameaux, etc. Il y a donc ce qu'on traduit donc par l'établi, ce que l'on veut traduire donc par l'établi. Et on sait donc une fois que les animaux ils ont bu donc du puits ou autre, donc de l'endroit où ils s'abreuvent. Et ils étangent donc leur soif. Ils vont ensuite être conduits, ils sont conduits donc à l'établi pour qu'ils se reposent. Et ici, c'est le marma. C'est-à-dire donc à tel point que les gens ont étanché leur soif. D'après donc ce que Omar, il a donné. Ce que Omar donc, il a bu et donc en ont profité ensuite les gens. Et là, on va voir ensuite quelle est la signification. Al-Abqari, c'est la personne qui est forte de façon générale, pas intelligente, mais forte de façon générale, une force totale, que ce soit par rapport à ses membres, que ce soit également par rapport à son intelligence. De façon générale, c'est celui qui est fort et qui a présence sur les gens. Non. Ici, l'imam al-Nawawi, rahmatullah alayhi, va donc nous expliquer ce rêve qu'il a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui est voulu donc par cette parole du prophète et par ce rêve que nous a indiqué le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il va donc dire قال العلماء, c'est-à-dire que les gens de science ils ont dit هذا المنام مثال واضح لما جرى لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في خلافتهما. Il va donc nous dire que ce songe là, c'est un donc un exemple. C'est donc un exemple et également une parabole qui est plus que claire par rapport à ce qui est advenu pour Abu Bakr ou Omar durant donc leur califat. Donc on voit bien ici que c'est une preuve par rapport à leur califat. C'est une preuve donc par rapport à leur califat. Le califat de Abu Bakr et ensuite de Omar. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, il est bel et bien cité Abu Bakr. Et qui vient donc après qui ? Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est cité ensuite dans ce songe Omar, qui vient donc après Abu Bakr. Et bien entendu, ici, c'est un songe qui est clair, comme nous l'ont dit les savants, et qui ont donc expliqué ce songe-là. Il nous dit wa husnu siratihima wa zuhuri afarihima wa intifa'a an-nas bihima. Et également donc la droiture de leur vie et de leur chemin durant donc ce calife. Et également donc l'apparition de leur wa zuhuru afarihima, et donc l'apparition donc de leurs traces, les traces donc qu'ils ont laissées et ce qu'ont profité donc les gens durant donc ce calife. Tout ce qu'ils ont apporté de bien aux musulmans, que ce soit les musulmans qui ont vécu durant leur calife et ceux qui vont venir ensuite, tout le khair, tout le bien donc qui a découlé de ces deux califes. Wa kullu dhalika ma'khudhu min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa min barakati wa athari suhbatihi fa kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam huwa sahibul amr fa qama bihi akmal qiyam wa qarra qawa'id al-islam wa mahada umurahu وأوضح أصوله وفروعه ودخل الناس في دين الله أفواجا وأنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم ثم توفي صلى الله عليه وسلم فخلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه سنة وأشهر. Donc il nous dit le cheikh que ce bien qui a découlé du calife de Abu Bakr et Omar, c'est en réalité venu ma'khoud, c'est venu, ça a été pris du prophète صلى الله عليه وسلم, car ils ont été à l'école prophétique, que ce soit Omar, que ce soit Abu Bakr, et bien entendu également min barakati, et de sa bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa athari suhbatihi, et donc ça a été donc les traces et le résultat du fait qu'ils ont été les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils ont appris auprès de lui, tafaqahu ad-din indahu, ils ont donc appris leur religion auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont compris donc de la meilleure façon, ils l'ont appliqué exactement comme il se devait. Et il nous dit ensuite donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était bel et bien lui, sahibul amr, celui donc qui détenait hadal amr, amr din, donc cette religion. Et donc il l'a accompli de la meilleure, ou du meilleur des accomplissements. Et qu'il a mis en place et établi qawa'id al-islam, en réalité qu'il a établi donc les bases de cette religion, de la religion de l'islam. Et qu'il a donc simplifié, et qu'il a donc établi umurahu, c'est-à-dire tout ce qui va être en relation avec le din. Wa awdaha usulahu wa furu'ahu, il a mis donc en évidence pour les gens les bases de cette religion et également les branches de cette religion. Wa dakhala an-nas fi dinillahi afwaja, et les gens bien entendu sont rentrés dans la religion par groupe, ils sont rentrés par un très grand nombre. Wa anzala Allahu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum, et Allah azza wa jalla ensuite a fait descendre donc ce verset, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons parachevé pour vous donc cette religion, votre religion. Thumma tufiya sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite donc le prophète est mort sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui est venu à sa place en étant donc calife, c'était Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, durant donc deux ans et plusieurs mois. Wa wal muradu bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam dhanuban aw dhanubayn, et on a vu que c'était en réalité dhanuban, c'était donc deux sceaux, et ces deux sceaux correspondent en réalité aux deux années et les quelques mois lorsqu'il était donc investi du calife, du califat, durant donc ces deux années. Et il nous dit wa hasala fi khilafati qitalu ahli ridda wa qat'i dabirihim, et qu'est-ce qu'il est arrivé donc durant son califat à Abu Bakr? Il est arrivé bien entendu le combat de ceux qui sont détournés de la religion, qui ont fait acte d'apostasie. Et donc il les a combattus comme on sait. Wa ittisa' al-islam, et on sait que l'islam durant son règne également, Abu Bakr, il s'est donc élargi. C'est-à-dire les gens, ils sont entrés encore plus dans l'islam, les terres de l'islam se sont agrandies. Donc c'est tout ce qui est traduit ici, c'est l'explication qui nous est donnée dans ce hadith, dans l'explication de ce hadith. Fa naza'a biya dhanuban aw dhanubayn. Ensuite, il va nous dire ثم توفي فخلفه عمر. Et en disant, il est mort Abu Bakr, et c'est Omar qui a pris donc sa place. فاتسع الإسلام في زمني وتقرر لهم من أحكام ما لم يقع مثله. فعبر بالقليب عن أمر المسلمين لما فيها من الماء الذي به حياتهم وصلاحهم وشبه أميرهم بالمستسق لهم وسقه وقيامه بمصالحهم وتدبير أمورهم. Et également donc, il nous dit donc que durant l'époque de Omar et donc le califat de Omar, l'islam, elle s'est répandue, énormément répandue, et également les contrées de l'islam se sont élargies. Et il nous dit, il a établi donc beaucoup de lois par rapport à l'islam qui n'ont pas été auparavant. Malam yaqah mithlaou. Beaucoup de choses donc qui sont apparues du temps de Omar au niveau donc des lois. Fa'abbara bil qalib an amri muslimin. C'est-à-dire donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, lorsqu'il a cité Al-Qalib dans son rêve, le songe, Al-Qalib, qu'est-ce que voulait dire Al-Qalib? Qu'est-ce que voulait dire donc ce puits dans ce songe? Ça voulait dire tout simplement Amr al-Muslimin, c'était donc l'affaire des musulmans. Lima fiha min al-ma'i alladhi bi hayatuhum wa salahuhum. Pourquoi? Parce qu'il y a à l'intérieur de ce puits de l'eau. Et cette eau-là va représenter en réalité la vie de ces musulmans. Et également leur droiture, wa salahuhum. Et qu'à partir de cette eau-là, ils vont pouvoir être droits et pouvoir vivre. وَشَبَّهَا أَمِيرَهُمْ بِالْمُسْتَسْقِ لَهُمْ. Et également donc, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce songe-là, il a fait donc ressemblance entre celui donc qui va abreuver et Al-Amir, c'est-à-dire donc celui qui va avoir le hukm. Pourquoi cela? Il nous dit le shir, وَسَقْيُهُ وَقِيَامُ بِالْمَصَالِحِهِمْ وَتَدْبِرِ أُمُورِهِمْ. Et c'est-à-dire donc le fait qu'il a abreuvé les musulmans, وَقِيَامُ بِمَصَالِحِهِمْ وَتَدْبِرُ أُمُورِهِمْ. C'est-à-dire donc qu'ils ont accompli, que ce soit Omar et avant lui Abu Bakr, ils ont donc accompli ce qui était dans l'intérêt des musulmans. وَتَدْبِرُ أُمُورِهِمْ. Ils ont géré donc leur affaire de la meilleure donc des façons. C'est ce qui était voulu donc dans ce hadith. Ensuite, la parole qui est advenue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dans cette parole, وَفِي النَّزْعِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ. C'est-à-dire que le shir va nous dire, ou l'imam Nawawi va nous dire dans un premier temps, وَقَوْلُهُ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ فَلَيْسَ فِي نَقْصٍ لَهُ وَلَا إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّهُ وَقَعَ مِنْهُ ذَنْبٌ وَإِنَّمَا هِيَ كَلِمَةٌ كَانُوا يَقُولُونَ مُدَّعِمُونَ بِهَا الْكَلَامُ. C'est-à-dire tout simplement que cette parole-là, on l'a dit, que les musulmans la disent de façon générale. Ça ne veut pas dire ici qu'il y a un naqs, c'est-à-dire une faiblesse de Abu Bakr, ou alors qu'il est devenu de lui un péché, là. Parce que ce terme-là, Wallahu yaghfiru lahu, et Allah Azzawajal lui pardonne, et donc lui pardonne cette faiblesse, ça ne veut pas dire ici, Adham. Mais c'est une parole que disent tous les musulmans. Par exemple, il se peut que tu parles à une personne et tu dis, Allah yaghfiru lak, Allahu yahdik. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, il te pardonne. Allah Azzawajal, il te guide, etc. Donc c'est quelque chose qui vient appuyer la parole. Une dua qui vient s'introduire. Durant la parole que l'on va dire, durant le discours que l'on va tenir, et tout simplement donc pour comme il y a pour le shir, yudda'imuna biha al-kalam, c'est-à-dire donc ça vient appuyer la parole, on vient appuyer donc la parole que l'on dit par des du'as. L'imam Ibn Hajar, lui, rahmatullah alayh, dans son livre, dans son explication de Sahih Bukhari, il va nous dire également la même chose, que c'est du'a min al-mutakallim, que c'est une invocation de celui qui a parlé. Mais également, il va nous dire, fihi isharatun ila qurbi wafati Abi Bakr. Il va nous dire également ici, il a une ishara, c'est-à-dire il a ici un signe qui va nous être donné. C'est en réalité qurba wafati Abi Bakr. C'est en réalité donc le temps très proche de la mort de Abu Bakr. Et pour ça, et pourquoi cela? C'est tout simplement, il va faire ici une analogie avec un verset du Coran. Que ce verset du Coran, comme nous en expliquait le Mufassirun, qui vient également nous informer, min qurbi wafati nabi sallam, c'est-à-dire il vient nous informer du temps très proche de la mort du prophète sallam. Dans ce verset que tout le monde connaît, fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwaba. C'est donc lorsque Allah azza wa jalla ordonne son prophète dans cette sourate, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Il lui ordonne donc de lui demander le pardon. Et cela était donc Ishara, c'était donc ici un signe de la mort ou du rapprochement de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il dit Shir, فَإِنَّا إِشَارَكُمْ إِلَى قُرْبِ وَفَاتِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. Donc de même ici, lorsqu'il a dit وَاللَّا يَغْفِرُهُ, également ici une Ishara, comme l'explique Ibn Hajar. Donc il nous dit, le Shir, également, il se peut que durant le temps de Abu Bakr, il y a eu en réalité des conquêtes, mais ces conquêtes-là ont été très peu. Très très peu. قِلَّةُ الْفُتُوحِ. Ça n'a pas été comme du temps de Omar. Et pourquoi cela? Tout simplement parce que la période, on l'a vu, 2 ans et quelques mois, durant cette période-là, elle était courte. Et il y a eu, bien entendu, des crises intérieures, comme on a vu ceux qui ont apostasié, donc, qui n'ont pas voulu payer la zakat, etc. Donc, Abu Bakr, il était occupé à régler donc ces problèmes-là. Et donc, durant ce temps-là, il n'a pas eu, comme il est advenu ensuite, toutes les conquêtes de l'islam. Il n'y a pas eu donc l'élargissement des terres musulmanes, comme cela est apparu et advenu du temps de Omar. Mais cela, comme il nous dit le Shir, c'est-à-dire donc que la cause, c'est tout simplement le temps très restreint qu'il a eu durant donc cette période, la période de son califat. Donc, c'est-à-dire donc, qu'est-ce que veut dire ici la signification que le prophète sallallahu alayhi, c'est-à-dire qu'Allah azawajal lui pardonne donc cette barre, cette ici, donc cette faiblesse qui est apparue, le fait qu'il n'y a pas eu toute cette futuhat, c'est tout simplement la raf'ul malama, c'est-à-dire que tout simplement il va ici être dissipé tout blâme que l'on aurait pu faire à Abu Bakr. Également il va nous dire Ibn Hajar, yaghfirullahu lahu isharatun ila anna ad-da'fahu al-murad bihi ar-rifq غير قادح فيه وأن المراد بالضعف ما وقع في أيام من أمر ردة واختلاف الكلمة إلى أن اجتمع ذلك في آخر أيام وتكمل في زمن عمر وإليه الإشارة بالقوة. C'est-à-dire également, il va nous dire, pour bien comprendre ce hadith, Ibn Hajar, il va nous dire également ici que الضعف ici بمعنى الرفق, c'est-à-dire la faiblesse بمعنى ici الرفق, c'est-à-dire donc douceur, نعم, c'est-à-dire donc la douceur. La douceur, c'est comme ça qui nous l'explique, le murad bihi ar-rifq ghayr qadih fi, donc ce n'est pas quelque chose qui est blâmable par rapport à Abu Bakr. Ou le murad, et également donc il va nous dire, ou alors le murad, et on sait que comme il l'a expliqué auparavant, c'est qu'il y a eu des irtilaf, c'est-à-dire il y a eu des divergences du temps de Abu Bakr par rapport à ce qui est arrivé avec les gens de qui ont apostasé ahlu ridda tayyib, jusqu'à donc que Abu Bakr donc a réuni la parole des musulmans kalimat al-muslimin, c'est-à-dire à la fin de ces jours-là. Et donc, bien entendu, c'était également ici une faiblesse qui est apparue. Donc. Mais bien entendu, ça qui revient au qadar min Allah Azzawajal, c'est-à-dire à ce que Allah Azzawajal a prédestiné comme fitan, taïb, et ce qui a en réalité freiné les conquêtes musulmanes, comme nous l'a expliqué auparavant. Par contre, du temps de Omar, une fois donc que la parole des musulmans a été réunie, il y a eu ensuite donc la force, la quwa du temps de Omar lorsqu'il a fait beaucoup de conquêtes. Il y a eu beaucoup de conquêtes qui sont advenues durant donc son règne, durant donc son califat. C'est comme ça donc que nous l'ont expliqué les savants pour ce qui est donc de l'explication de ce hadith, qui est en réalité un songe du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a cité et qui nous prouve donc qu'il y a bel et bien eu le califat de Abu Bakr wa Omar et que cela a été légitime d'après donc ce songe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comme nous l'expliquaient les gens de la sunna. Ensuite donc il va nous dire rahmatullah alayhi à la prochaine question, et ça bien entendu ça va être de façon beaucoup plus détaillée lorsqu'il nous dit mad dalilu ala khilafati Abi Bakr wa taqaddumihi fiha, c'est-à-dire donc quelle est donc la preuve ici du calife de Abu Bakr, quelle est donc la preuve de cela et du fait qu'il en avait la préséance. On sait qu'Abu Bakr c'est lui qui a eu le premier calife et qu'il a eu la préséance sur tous les autres sahaba. Ici il faut savoir que les gens de la sunna, comme nous l'a rapporté Ibn Abil Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala, il nous rappelle que les gens de la sunna ont divergé par rapport au khalifa, par rapport donc au califat d'Abu Bakr. Est-ce que cela a été bin nas? Est-ce que cela a été en réalité par un texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou est-ce que cela a été bil-ikhtiyar, c'est-à-dire par le choix donc de ceux qui sont devenus après le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les sahaba qui ont donc choisi Abu Bakr? Ou alors est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nassa, c'est-à-dire qu'il a bel et bien indiqué qu'Abu Bakr ce sera le calife après lui? Tayyib. Parmi bien entendu les preuves, on pourrait citer la preuve qu'on a citée auparavant pour ce qui est de Nas. Il faut savoir donc que ceux qui ont dit bin Nas, c'est une jama'a min ahli al-hadith, donc un grand groupe parmi les gens du hadith, et c'est la parole de Hassan al-Basri. Et parmi eux, ceux qui ont dit que c'est un Nas, ce qu'on appelle khafi wa ishara, ou ceux qui ont dit un Nas jali, c'est-à-dire donc un texte qui va être en réalité dissimulé, c'est-à-dire que l'on ne va pas comprendre de manière directe, mais qui est en réalité tout simplement un signe, une ishara qui va être faite donc au khilafa d'Abu Bakr. Et d'autres qui ont dit non, c'est un nas qui est jali, c'est-à-dire qui est plus qu'apparent et qui est plus qu'évident quant à la compréhension. Tayyib. Et ceux qui ont dit bil-ikhtiyar, c'est également un groupe parmi les gens du hadith, et c'était le choix parmi bien entendu ici les gens de l'innovation, al-ash'ariyya ou al-mu'tazila. Tayyib. À la kulli hal, on va voir que les preuves que va nous citer le shir sont évidentes pour dire qu'en réalité le calife d'Abu Bakr a bien été bin Nas, c'est-à-dire par un texte et par donc ici un signe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué, donc une indication du prophète. Mais les preuves, on va tout simplement les citer à travers ce que va nous citer le shir dans cette réponse. Il va nous dire al-adillatu ala dhalika la tursa, c'est-à-dire les preuves elles sont plus qu'innombrables. Minha ma taqaddama, parmi celles bien entendu celles qu'il a déjà citées auparavant. Et parmi ces preuves qu'il va nous citer le shir, ce qu'il y a auprès de l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, donc cette preuve là c'est la suivante, c'est ce qu'il va nous citer, c'est qu'une femme elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tayyib, c'est à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de revenir à cette femme là Et qu'est-ce qu'il va dire ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est-à-dire donc, qu'est-ce qu'elle va dire la femme? Elle va dire, vois-tu, si je reviens et que je ne te trouve pas donc. Elle fait allusion donc à la mort du prophète. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam meurt, qui sait donc qu'elle va trouver? Qui va être à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc comme ici, comme étant la personne qui va être à sa place, donc le calife. فَقَالَ sallallahu alayhi wa sallam illam tajidini Fati Abu Bakr. Donc si tu ne me trouves pas, alors rentre-toi chez Abu Bakr, où tu trouveras Abu Bakr. Donc ici, c'est en réalité une preuve. Au moment où a dit c'est dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou Arfan al-Shahid al-Walam, c'est dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Illam tajidini Fati Abu Bakr. C'est-à-dire si tu ne me trouves pas, rentre-toi chez Abu Bakr. Au moment où a tout simplement que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, il ne fait plus partie donc de ce monde, celui qui sera à sa place là et celui donc qui va le remplacer, et non bien entendu ici le calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sera qui? Ce sera donc Abu Bakr, parce qu'il a dit à cette femme de revenir à qui? À Abu Bakr. Donc ici les gens de la sunna du consensus, ils en ont déduit de façon claire ici que c'est bel et bien une preuve que celui qui sera donc le calife après le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera Abu Bakr. Et donc d'après cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est bien ici un nas, c'est bien ici donc un texte. Tayyib. Il nous dit wa minha ma fi sahih muslim an Aisha radhiyallahu anha. Et donc un autre hadith, un hadith de Aisha qui se trouve dans l'authentique de l'imam muslim. Qala li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi maradihi. C'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est tombé malade, et c'était donc la maladie de sa mort sallallahu alayhi wa sallam, il a dit donc à Aisha cette parole là. ادعي لي اباك واخاك حتى اكتب كتابا فاني اخاف ان يتمنى متمن ويقول قائل انا اولى ويأبى الله والمؤمنون الا ابا بكر. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, appelle-moi ton père et ton frère, donc Abu Bakr et son frère Abdurrahman, pour que j'écrive une lettre, car j'ai peur que quelqu'un convoite, et donc ici quelqu'un convoite quoi? Bien entendu le califat après moi. Ce qu'on va comprendre ici, un étamana mutamannim, c'est-à-dire le califat après lui, et disent j'en suis plus digne, c'est-à-dire voyakulu qailun, que cette personne donc dise ana aula, j'en suis plus digne. Donc de quoi? De ce calife. Alors qu'Allah, et regardez donc, Ava wa shahid, wa ya'ba Allah wa al-mu'minun illa Abu Bakr. Alors qu'Allah et les croyants n'acceptent qu'Abu Bakr. Donc ici, cette parole elle est plus que claire également. Donc un texte, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va donc ici nous enseigner que Abu Bakr, ce sera lui qui sera le calife après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est bel et bien ici une indication du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une indication qui est plus que wadih, qui est plus que donc claire, pour dire que ce sera Abu Bakr qui sera le plus digne, et que, alors qu'Allah, comme on voit ici, وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُوا إِلَّا أَبُو بَكْرِ, alors qu'Allah, il est croyant, n'accepte qu'Abu Bakr. Donc ici, حَصْ فِي أَبُو بَكْرِ. C'est donc ici une exception unique qui va être faite pour Abu Bakr, et que c'est celui qui sera digne donc du califat. Donc ici, deux preuves. Ces deux preuves de la sunnah, premier hadith, متفقون عليه, et le deuxième hadith, apporté par l'imam muslim. Ces deux hadiths nous prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien cité et indiqué que celui qui viendra à sa place et donc le calife, ce sera donc Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Et il nous dit, وَاكَذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَقْدِيمِ فِي الصَّلَاةِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. De même, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, متفقون عليه, lorsque c'est Abu Bakr qui a pris donc la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour donc présider la prière durant la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a entraîné sa mort. Donc ici également c'est une preuve que celui qui a pris la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, c'est bel et bien Abu Bakr qui l'a pris du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc ici également une preuve par rapport donc à l'acte. Il y a eu les preuves auparavant par rapport aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également ici une preuve par rapport à l'acte. Et il nous dit, واجمع على بيعته جميع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار فمن بعدهم. Et il nous dit également qu'il y a donc consensus. Ils ont donc été unanimes pour prêter allégeance à Abu Bakr. Et ceci donc tous les sahaba, من المهاجرين والانصار, que ce soit donc les immigrés et les ansar, فمن بعدهم. Donc tous sont d'accord et tous ont été unanimes pour dire que c'était Abu Bakr qui prenait donc le calife et qui était donc le plus en droit, et que ce calife-là revenait donc de droit. Ça donc c'est pour Abu Bakr. Ensuite donc la question qui va venir après, de façon logique et dans l'ordre, c'est cette question suivante. Mad dalil ala taqdim Omar fil khilafati ba'd Abu Bakr. C'est tout simplement quelle est la preuve de la légitimité, quelle est la preuve donc de la présence de Omar quant au califat après Abu Bakr, donc celui qui était le plus en droit pour ce qui était d'être investi du califat après bien entendu la mort de Abu Bakr. Il va donc nous donner également ici des preuves, le shir, et il va nous dire adillatu kathira, c'est-à-dire donc les preuves elles sont nombreuses, minha ma taqaddama, également ce qui a précédé, wa minha qawluhu sallallahu alayhi wa sallam inni la adri إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. Donc également ici une preuve pour ce qui est donc du califat de Abu Bakr, mais également ici de Omar, en cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée par l'imam Ahmed et également l'imam Tirmidhi et qui est authentifié par Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi. Je ne sais pas combien de temps il me reste parmi vous, suivez donc l'exemple des deux qui viendront après moi. Et il fit signe vers Abu Bakr et Omar. Donc également ça c'est une preuve. Il nous dit également le shir. وَمِنْهَا مَا فِي الْحَدِيثِ فِي حَدِيثِ الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمُوجِ الْبَحْرِ قَالَ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِعُمَرَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ أَيُفْتَحْ أَوْ يُكْسَرْ قَالَ بَلْ يُكْسَرْ قَالَ عُمَرُ إِذًا لَا يُغْلَقْ فكان الباب عمر وكسره قتله فلم يرفع بعض السيف بين الأمة وقد أجمعت الأمة على تقدمه في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه. Donc également cette preuve qui va nous donner, ينعم, c'est bel et bien une preuve ici dans ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Lorsque Hudhayfa, dans le hadith de la fitna, hadith donc qui va nous rapporter la fitna qui va advenir donc ensuite, il va nous dire donc ici, Hudhayfa, lorsque Omar va lui poser donc la question, Et lorsqu'il a fait allusion, Hudhayfa, donc, à cette porte qui était fermée, et que cette porte, lorsqu'elle va s'ouvrir, est-ce que cette porte, elle va s'ouvrir ou elle va se casser? Et Hudhayfa de lui dire et de lui informer qu'elle se cassera dans cette porte-là. Taïb. Et donc, lorsqu'elle se cassera cette porte-là, ça voudrait dire qu'elle se refermera jamais. Et donc, ici, ce qui était, ou l'allusion qui était faite par la porte, c'était Omar. C'était donc Omar. Et le fait qu'elle soit cassée, c'était donc sa mort. Et lorsque Omar, il est mort, c'est une fitna. La fitna qui est devenue donc ensuite, elle ne s'est jamais éteinte. Et il y a eu donc le qat dans cette communauté. Et donc, il y a eu donc, Wallah al-Musta'an, al-fitan. Et la guerre à l'intérieur donc de la communauté, Iyadan Billah. C'est pour ça donc qu'il nous dit qu'ensuite l'épée n'a plus cessé au sein donc de la communauté. Il nous rappelle donc ici dans ce hadith qui est rapporté, bien entendu, qui est un long hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, également l'imam muslim, un hadith Hudhayfa. Donc également ici, c'est bel et bien une preuve que Omar deviendra donc le calife et que Omar sera donc tué. Et lorsqu'il sera tué, donc, la fitna va advenir. Et le qatl, c'est-à-dire donc, la guerre dans cette communauté va apparaître et ne cessera. Ayyadan billah. On sait ce qu'il est ensuite advenu du temps de Othman, ce qu'il est advenu également du temps de Ali. Et ensuite. Ça donc, c'est pour les preuves. Ensuite, pour ce qui est donc de Othman, il dit, mad dalilu ala taqdim Othman ba'dahuma fil khilafa. Donc, quelle est donc la preuve ici de la présence de Othman après eux quant au califat. Et va nous dire le shir, « Al-adillatu ala dhalika kathira » également. « Minha matqaddama » ce qui est donc précédé. Et il va nous rapporter également un hadith. Donc ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et qui est un hadith authentique, authentifié par Cheikh al-Albani. « Qal dhakara Rasulullah s.a.w. fitnatan faqarraba » c'est-à-dire que le prophète s.a.w. va nous rappeler une dissension. Nous l'expliquer cette fitna. فمر رجل مقنع راسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ على الهدى. C'est-à-dire donc qu'un homme à la tête couverte est passé et le messager صلى الله عليه وسلم a dit donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit هذا يومئذ على الهدى. Ce jour-là, celui-ci sera sur la voie, sur la bonne voie. Et ensuite, je me levai, je pris Othman par le bras et fis face à l'envoyé d'Allah. Je lui dis, celui-ci donc فأخذته بضبع عثمان ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا قال هذا. C'est-à-dire donc que la personne à qui il faisait allusion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par cette parole هذا يوم ايدين على الهدى, donc le jour il va avoir la fitna. Et la fitna, la grande fitna qui est arrivée du temps de Uthman, ayadan billah, c'est une grande fitna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il va y avoir une personne qui sera sur la bonne voie, هذا يوم ايدين على الهدى. Et qu'est-ce qu'il a fait donc Ka'b ibn Ujra? Il a tout simplement pris le bras de Uthman et il s'est mis face au prophète sallam avec lui. Et il lui a donc dit celui-ci, donc en indiquant Uthman, il répondit sallam, celui-ci. C'est-à-dire donc, c'est bel et bien cet homme. Donc c'est un hadith qui est rapporté par Tirmidhi, également l'imam ibn Majah, rahimahumullah. Un autre hadith également qui va nous prouver la légitimité et la présence du califat de Uthman sur les autres, c'est cette parole qui est rapportée par Aïcha radiallahu ta'ala anha, et qui est un hadith également rapporté par l'imam al-Tirmidhi et authentifié par l'Albani rahmatullah alayhi wa al-jami'a. Qala sallallahu alayhi wa sallam, donc cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous rapporte Aïcha, ya Uthman in wallaka allahu hadha al-amr يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع. يقول ذلك ثلاث مرات يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع. يقول ذلك ثلاث مرات عثمان. Si Allah te confie un jour cette affaire, c'est-à-dire donc ici le califa, bien entendu, هذا الأمر, c'est-à-dire Amr al-Din, c'est-à-dire donc le califat, et que les hypocrites veulent que tu enlèves la chemise qu'Allah aura mise sur toi, et donc cette chemise qu'on nous a expliqué les savants pour exprimer le califat, et que les hypocrites veulent que tu enlèves la chemise qu'Allah aura mise sur toi, ne l'enlève pas. Il lui dit donc cela trois fois. Alors donc, n'enlève fala takhla'u, c'est-à-dire cette khamis. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il nous rapporte ce qui va advenir, mais il nous prouve ici que c'est bien et bien un jour que Othman deviendra donc le calife. Et cette fitna qui est arrivée du temps de Othman, et que Othman, radiallahu ta'ala anhu, n'a jamais donc délaissé le califat, jusqu'à ce qu'il fût, radiallahu ta'ala anhu, assassiné. Et il nous dit le shir également, وَأَجْمَعَ عَلَى بَيْعَتِهِ أَهْلُ الشُّورَى ثُمَّ سَائِرُ الصَّحَابَةِ وَأَوْلَ مَنْ بَايَعُوا عَلِي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف ثُمَّ النَّاسَ بَعْدَهُ. Également donc ici, pour ce qui est donc de Othman. Qu'est-ce qui s'est passé exactement du temps de Othman? Donc pour expliquer ce que veut nous dire le shir par cela, lorsqu'il nous dit Ahl al-Shura, il faut savoir que dans un premier temps, lorsque Abu Bakr est mort, il y a eu donc ce qu'on appelle l'istikhlaf. Al-Istikhlaf, c'est-à-dire qu'Abu Bakr a donné directement et a désigné Omar comme étant le calife. Taïb, ça c'est de Abu Bakr jusqu'à Omar. Ensuite, de Omar jusqu'à Othman, qu'est-ce qu'a fait Othman lorsqu'il a été bien entendu tué, lorsqu'il a été assassiné, Omar, radiallahu ta'ala, anhu, sa blessure qui va donc l'entraîner à la mort, qu'est-ce qu'il a fait lui, Omar? Il a tout simplement désigné un groupe de sahaba et il leur a dit donc de se consulter pour désigner le calife. C'est ce qui s'est passé pour Omar. Taïb, donc de Abu Bakr jusqu'à Omar, Abu Bakr directement a désigné Omar. Par contre, Omar, lui, il a désigné des gens parmi les Sahaba qui vont, eux, ici, donc, faire acte de consultation entre eux pour désigner qui? Le calife. Taïb. Et comme on va le voir, Adam in Turuq in Iqad al-Khilafa. Donc, ici, il a désigné 6 personnes, Omar. Parmi ces personnes, Ali, wa Uthman, والزبير والسعد والطلحة وعبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف طيب. Il a cité donc ces 6 personnes pour donc qu'il désigne la personne qui va être le plus apte au califat. Et il faut savoir que ensuite l'affaire a été confiée en dernier lieu à Abd al-Rahman ibn Auf. C'est pour ça donc c'est ce qu'il nous rappelle. Et Abd al-Rahman ibn Auf, ça va être donc le premier à avoir désigné Othman. Et ensuite, après Othman, c'est Ali, comme il nous dit, qui les ont suivis. Et ensuite, donc, les 4 autres. Et ensuite, donc, tous les Sahaba. Donc, c'est ce qui s'est passé pour ce qui est de Othman. C'est de cette manière que Othman, donc, a pris, donc, le califat en droit. Et on a vu, donc, les preuves de la Sunna par rapport à sa présence. Les preuves prises de la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, pour ce qui est donc du dernier, qui est Ali radiallahu ta'ala anhu, yaqul, donc il nous dit qu'il est la preuve de la légitimité du califat de Ali, qui était donc le plus en droit après eux. Il nous dit le shir adillatu dhalika kathira minha ma taqaddama wa minha qawlun nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc également ce qui a précédé. Et parmi donc ces preuves qu'il va nous citer, également donc cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va être également ici une preuve et une indication que Ali va bel et bien être le califat des musulmans un jour, et que donc il va venir donc ensuite après Othman. Cette parole, ça va être la suivante. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans cette parole, et c'est donc un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, également l'imam muslim, muttafaqun alayh, yaqul le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa yaha amma taqtulu al-fi'atu al-baghiya yad'uhum ila al-jannati wa yad'unahu ila al-nar. Donc cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite on va voir comment on va la comprendre. Il dit malheur à Ammar, malheur à Ammar, wayha Ammari taqtulu al-fi'atu al-baghiya, c'est-à-dire le groupe rebelle le tuera. Il les appellera au paradis tandis qu'ils les appelleront en enfer. Ammar les appellera au paradis tandis qu'ils l'appelleront lui, Ammar ils l'appelleront en enfer. Donc on voit ici, c'est bien entendu ici une allusion qui est faite par rapport au conflit qui l'opposa donc à Muawiyah. C'est-à-dire donc, on sait que Ammar, radiallahu ta'ala anhu, il était avec Ali, il a combattu donc auprès de Ali dans cette fitna. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire cette parole-là. Et qu'est-ce qu'on va donc en tirer comme conséquence? C'est ce que va donc nous dire le shir ensuite lorsqu'il dit فَكَانَ مَعَ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ. Donc il fut donc avec Ali. فَقَتَلُوا أَهْلُ الشَّامِ. Et donc les gens du Sham, ils l'ont combattu. وَهُوَ يَدْعُهُمْ إِلَى السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Alors que lui, il les appelait bien entendu à la sunna et à al-jama'a, au fait donc de se rassembler. وَطَاعَةُ الْإِمَامَ الْحَقُّ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Et bien entendu, il les appelait à suivre l'imam, c'est-à-dire ici l'imam al-Haq, l'imam donc de la vérité qui était à ce moment-là Ali ibn Abi Talib, qui était donc le calife à juste droit, radiyallahu anhu. Wa al-hadith fi sahih. Et ce hadith, bien entendu, est fi sahih. C'est muttafaqun alayh. Wa fihi qala sallallahu alayhi wa sallam. Et également, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir de cela, il a dit cette parole, et qui est un hadith rapporté par l'imam muslim dans son authentique, min hadith Abi Sa'id, radiyallahu ta'ala anhu. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. C'est-à-dire donc des insurgés s'insurgeront lors d'une division entre les gens, celui des deux groupes qui sera le plus en droit les tuera, celui des deux groupes qui sera le plus en droit les tuera. C'est pour ça qu'il va nous dire donc, nous expliquer ce hadith, il va nous dire donc le shir فمرقة الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان وهو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة قاتبة رحمه الله تعالى. C'est-à-dire donc il va nous dire le shir, il fait allusion ici au prophète Sam au khawarij تمرق مارقة على حين فرقة من الناس. Les insurgés s'insurgeront lors d'une division entre les gens, et ce sont bien entendu ici les khawarij qui vont donc s'insurger lorsqu'il y aura donc la division entre les sahaba. يقتلهم أول الطائفتين بالحق. Celui des deux groupes qui sera le plus en droit les tuera. Celui des groupes qui sera donc le plus en droit les tuera. Et bien entendu, on sait que Ali va combattre Al-Khawarij, comme cela est arrivé durant la bataille de Nahrawan, donc cette contrée où il a combattu Ali les Khawarij. Et on voit bien que dans le hadith, يقتلهم donc Al-Khawarij. يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. C'est-à-dire, le groupe qui sera le plus en droit les tuera. Et bien entendu, le groupe ici, c'est le groupe de Ali, qui tuera ici donc les Khawarij. Donc c'est bel et bien une preuve ici également que Ali, radiallahu ta'ala anhu, il était le plus en droit donc par rapport au khilaf, par rapport donc au calife. C'était lui qui était le plus en droit par rapport à tous les autres sahaba. Ça, هذا هو الحق. Cela donc est la réalité. Et ceci est la preuve de ce que l'on avance, ce que nous a cité le shir, rahmatullah alayhi, d'après ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est plus qu'évident pour nous faire comprendre que ceux qui vont combattre donc al-Khawarij, ce seront donc le groupe de Ali, ceux donc qui ont suivi Ali et qui ont donc suivi le calife, celui qui était donc désigné comme le calife et qui était donc al-Haq, qui était donc sur la vérité. Et il nous dit donc le shir qu'il était donc le plus en droit à l'unanimité de tous les gens de la sunna, comme cela a été le cas pour les trois autres qui m'ont précédé. Ça donc, c'est pour ce qui est des quatre califes et les preuves de leur califat, prise donc de la sunna. Et également ensuite, on a vu qu'il y avait à chaque fois ijma' al-muslimin, al-sunna, qu'il y avait donc le consensus des gens de la sunna, des gens de la sunna et du consensus. Et par là donc, on va terminer ce chapitre qui concerne donc al-sahaba. C'est vrai qu'al-sahaba, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à l'histoire, par rapport à ce qui est devenu, etc. Mais bien entendu, on reste, nous, par rapport au domaine de la croyance. C'est-à-dire, on va rester dans le domaine de la croyance, et plus précisément, tout ce qui est en relation avec les sahaba, par rapport à leur califat et par rapport à leur présence. À la kulli hal, ici, se termine donc ce chapitre, pour ce qui est des sahaba, et ensuite, donc, on va rentrer dans un autre domaine également, qui touche la croyance, et qui est tout simplement le devoir que l'on doit avoir et ce que l'on doit croire par rapport donc à ceux qui nous dirigent, c'est-à-dire ceux qui détiennent le pouvoir. Et ça, ce sera donc une question du shir, qui sera la prochaine question. Il va citer donc les preuves de cela. Et bi idnillahi ta'ala, c'est ce qu'on entamera donc le prochain cours. Subhanakallahumma bihamdika. Shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.